Chapitre 6. Peur et courage. Stephen repéra les lieux. Le square lui parut bien choisi pour ne pas être vu des passants, les arbres et les haies bouchaient la vue déjà efficacement de jour. Par contre, il ne permettait pas d'observer les alentours, et il faudrait qu'ils soient prudents et vigilants une fois ici. Surtout qu'il ignorait jusqu'où allaient les capacités des sorciers. Il profita de son tour en ville pour essayer de repérer les deux aurores, mais il ne parvint pas à les retrouver. Le soir arriva. Lorsqu'une heure du matin sonna à la pendule, Ginny et Stephen se préparèrent à partir. Ils devaient se faire passer pour de simples moldus. Ginny passa un ensemble normal et cacha ses cheveux sous une capuche. « Vous restez près de moi, » fit Stephen. « Le mieux serait même que vous me preniez le bras pour faire croire que nous sommes un couple. Je vais garder ma tête découverte. Ainsi, ils ne chercheront certainement pas à voir qui vous êtes. Gardez la tête baissée et ne la relevez pas. »« J'ai compris, » assura Ginny. La jeune femme se tourna vers Neville. Ce dernier lui sourit et la prit dans ses bras pour lui dire au revoir. « Fais attention à toi, » dit-elle. « Nous vivons une époque dangereuse où faire attention n'est plus suffisant, » dit-il. « Mais je te promets d'être prudent au maximum possible. » Neville se tourna vers Stephen. Les deux hommes se serrèrent la main. « Prenez soin d'elle et de vous, » dit Neville. « Aussi longtemps que je serai avec elle, » répondit Stephen. « Au revoir, Neville. » Sitôt dans la rue, Stephen prit Ginny par le bras. Il devait traverser toute la ville. Stephen reconnut dans son fort intérieur que la rouquine était courageuse. Elle faisait tout son possible pour paraître le plus naturel possible dans cette situation particulièrement stressante. Mais avec un soldat aguerri comme Stephen, ce genre de choses était inutile. Il devinait sa peur, et le fait qu'elle parvenait à la contrôler démontrait chez la jeune femme une force qu'il n'avait rencontrée que rarement. « Ça ira, » dit-il. « Ne vous en faites pas. »« Je n'ai pas peur, » assura-t-elle. Stephen sourit. « Vous savez, j'ai parcouru pas mal de champs de bataille de par le monde, » raconta-t-il. « La guerre, c'est mon métier, et j'ai appris à reconnaître les signes de la peur chez mes ennemis, chez moi, mais aussi chez mes alliés. Quand on commande des hommes, il faut connaître l'état d'esprit de chacun d'eux à tout moment. Et pour cela, on ne peut pas leur demander directement, il faut le deviner. » Un regard, un geste, un tressaillement, un mot, j'ai appris à déceler la peur. Mais également, la volonté de ne pas se laisser contrôler par elle. Vous ne vous laissez pas contrôler par votre peur. Au contraire, je pense que vous êtes à même de vous servir d'elle. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Le courage. Oui, c'est ça. À Poudlard, les élèves étaient séparés dans 4 maisons. L'une d'elles s'appelait Gryffondor. Les élèves y allant étaient choisis pour leur courage. Neville et moi nous y étions, tout comme Harry, Ron et Hermione, et beaucoup d'autres. Seulement, ils ne sont pas tous aussi courageux que Neville ou que l'était Harry. Je vous l'ai dit, ce n'est pas donné à tout le monde. 4 maisons pour 4 traits de personnalité, je suppose. Le problème, c'est qu'il en existe beaucoup d'autres. Et aussi, que quelqu'un, c'est un mélange de personnalités. C'est vrai. Je préfère penser que les 4 maisons existaient pour le championnat de Quidditch. De quoi ? Ce fut au tour de Ginny de sourire devant le regard interrogateur de Stephen. Le trajet dura presque une heure. Lorsqu'ils arrivèrent à proximité du square, ils s'arrêtèrent. Prétextant de voir renouer son lacet, Stephen s'agenouilla. Il regarda autour de lui discrètement. Il semblait n'y voir personne, mais il vit quelque chose que son habitude d'émission clandestine lui avait appris à distinguer. Une ombre avait bougé anormalement. Il regarda plusieurs fois par intermittence discrète. L'ombre ne bougeait plus. Cela pouvait vouloir dire qu'il s'était trompé, mais son instinct lui murmurait que quelqu'un les filait. Stephen se releva, se collant plus près de Ginny pour lui glisser dans l'oreille de faire exactement ce qu'il lui dirait. Il lui prit la main et l'attira vers le square. D'une œillade discrète, il vérifia s'ils étaient suivis. C'était le cas. Ils étaient 2. Était-ce de simples braqueurs, des aurores ou bien des mange-morts ? Dans tous les cas, il fallait agir. Stephen demanda à Ginny de continuer vers le lieu de rendez-vous seul. Il attendit de passer l'angle d'une haie pour ne plus être en vue, temporairement, de leur poursuivant. Il se jeta derrière un buisson touffu. La pénombre achevait de le cacher. Stephen sortit son pistolet. Il avait fixé au bout du canon son silencieux. D'un geste si habituel qu'il en était devenu machinal, Il vérifia que l'arme était chambrée en reculant la glissière légèrement et en glissant son doigt dans la fenêtre d'éjection pour sentir la présence de la cartouche. Il tira le chien en arrière et retira la sûreté. Il était calme. Depuis le temps qu'il faisait ce métier, il avait appris à se servir du stress et à rester calme en toutes circonstances. Il se souvenait encore de ses premières expériences du combat quand la peur le dominait encore. Maintenant, c'était lui qui dominait sa peur. Quel que soit l'ennemi, il savait que tout le monde pouvait être tué au combat. Que cet ennemi possède des pouvoirs magiques ne changerait rien à cette vérité. Du moins, il l'espérait. Les deux poursuivants dépassèrent sa position. Ils étaient habillés de robes noires, des sorciers. Ce n'étaient pas les deux aurores que Steven avait suivies la veille. Steven les avait déjà vues à Poudlard, le soir où ils s'étaient retrouvés en Écosse. Crabbe et Goyle. Les deux mangemorts pointèrent leurs baguettes sur Ginny quand ils la rattrapèrent. « Weasley !» cria Goyle. Ginny se tourna vers eux, en sortant sa baguette à son tour. « Tu nous as fait courir, espèce de garce !» continua-t-il. « Jette ta baguette, Drago t'attend !»« Je ne retournerai pas là-bas » dit-elle. « Je te conseille d'obéir gentiment. Il nous a dit de te ramener vivante, mais ne nous a pas précisé dans quel état. Tu n'as pas envie de souffrir avant d'être avec lui, n'est-ce pas ? Parce qu'il va te punir. Il doit être pas mal en manque depuis ces quelques jours. Oh, mais si ça se trouve, tu aimes ça en plus, salope. » « Je préfère mourir. » Un claquement de fouet retentit derrière Ginny. Une silhouette de haute stature venait d'apparaître. « Ginny ?» appela le nouvel arrivant. « À terre, Ron !» s'écria Larousse. Des éclairs verts déchirèrent la nuit, manquant de peu Ron. Steven s'était glissé de buisson en buisson, silencieusement. Il surgit à droite de Goyle et le plia en deux d'un puissant coup de pied à l'estomac. Il le mit KO en frappant de la base de la poignée de son pistolet. Crabbe eut à peine le temps de se tourner vers cet ennemi surprise, il ne vit qu'une petite flamme jaillir du bout de l'objet qu'il tenait et un chuintement léger. La balle avait atteint Crabbe au milieu du visage, dans le nez, ce que les instructeurs de tir de combat appellent « zone létale haute ». Crabbe était mort, le cervelet en charpie, avant même que sa grosse carcasse ne touche le sol. Restant totalement concentré, Steven pointa son arme sur Goyle. D'un balayage, il le désarma en envoyant sa baguette voler dans un buisson. Il recula d'un pas sans lâcher le mange-mort des yeux. « Ginny, ça va ? » questionna-t-il. « Oui, race, comme vous dites. » fit-elle. « Ron ?»« Je vais bien, » fit le dernier arrivé. Ron vint embrasser sa sœur, heureux de la revoir en bonne santé. « Je ne voudrais pas vous interrompre, mais il va falloir y aller, » dit Steven. Il tenait toujours Goyle en joue, le doigt sur la queue de détente. Il entendit Ginny et son frère se rapprocher. « Crabbe est mort, » fit Ginny. « Pas le choix, » dit simplement Steven. « Mais celui-là est toujours en vie. Que voulez-vous en faire ?»« Laissons-le. »« Non, malheureusement le mieux est de le tuer, » contredit Ron. « Vous vous servez d'une arme moldue, et ils croiront qu'ils ont été agressés par un voleur. »« Ce sont des méthodes de mange-mort, » se révolta Ginny. Harry n'aurait... Mais Harry est mort, et nous devons gagner cette guerre. Steven Wright, n'est-ce pas ? Oui. Neville m'a dit que vous étiez soldat. Pouvez-vous... Ron ne parut pas décidé à finir sa phrase malgré ses paroles précédentes. L'arme chuinta une seconde fois. Le corps remua à peine et il n'y eut que peu de sang apparent car la balle avait pénétré précisément à la tête, au même endroit que Crabbe. Steven scanna du regard les alentours avant de ranger son arme. Il se tourna vers Ginny. La jeune femme détourna les yeux. Steven ressentit comme un pincement au cœur. Il préféra aviser le jeune homme qui se tenait à côté d'elle. Il était grand et arborait une chevelure rousse. Ses cheveux couleur de feu devaient être un point commun familial chez les Weasley. « Ronald Weasley !» se présenta-t-il en tendant la main. « Steven Wright. »« Enchanté, malgré les circonstances. Partons immédiatement. Prenez-moi tous les deux un bras et ne me lâchez pas. » Steven et Ginny s'exécutèrent. Il y eut un tourbillon devant les yeux de Steven. Ses sens étaient désorientés. Il faillit même perdre l'équilibre quand tout s'arrêta. Il regarda autour de lui. Le paysage avait changé du tout au tout. Il n'était plus à Glasgow. Ils étaient dans la clairière d'une forêt, aux arbres nombreux et jaunis par l'automne. Et au milieu, se dressait une maison de bois noirci.